Mes amis, changez mètre, changez métier. Pour aller raconter nos bagages qui passent. C'est vérité ou c'est pas menti? Parce que toujours dit, oh oui, c'est coupé, t'as plein de foncer et de bagailles. Mais je dis à une vérité, faut être capable de t'en. Et bien c'est ton camarade qui est le Marcel. Mais, si à vivre, par contre, ça passe, monsieur. Il vient de barrer avec mon fille. Et puis il dit, fille, elle remène. Non, parlez, fille, amène, monsieur Lakaïli. Elle vient la Lakaïli, il fait connaissance avec maman, fille. Il fait connaissance avec papa, fille. L'aime tout ça, faut pas plus. Il vivre dans la Lakaïla. Depuis là, c'est chaque soir. C'est Vichita Kafia. C'est petit bouche pète en bouche fia pour la praline sur la Skaoul. Vous comprenez-moi? C'est mettre maintenant petit bouton radio li. A chercher petit poste caso, petit poste rebelle. Vous comprenez-moi? Et puis ça descend petit menu, a dactylographié. Oui, oui, oui. Mais, quand il me chante, à son cas, il cante. C'est pas qu'on a qui condition là. C'est qu'on est pas qu'on a fait le feu école là. Mais, là, je viens de la Kafia. Il va jamais manquer dans la chambre. C'est toujours salon avec galerie. Et puis, je suis tellement venu habitué ensemble. Monsieur Vigné, on a bien ça avec nous dans la Monsieur a montré ça dans dedans. Et bonjour, monsieur dans dedans. La passé. Et puis, il voit ici dans la cabane fille. Il dit, ouais, il y a un zik ok. Il regarde les ici, il y a un fils de Spenfield. Il regarde l'autre bord, il y a un 45. Il garde notre tête à bon nom, mais l'on gonto comme un cas qui gonte notre tête à bon nom. Oui, ah, monsieur Finot qui est dans le là, monsieur Bagadi, rien. C'est G.O.E. bouche pé. Monsieur Boule la fille, boule, boule. Boule, boule, boule avec fille dans le là. Oh oh, un jour, ça vient passer, monsieur. Où qu'on est? Bon bagaille, femme toujours fait. Par exemple, elle gonte mon nom, elle est mariée, vous comprenez moins. Il dit toujours qu'on va aller faire comme d'adou. Il doit avoir un petit bout de charme. Bagaille, ça, qu'on les pose un petit bout de charme. Mais moi-même, changer non. Je vais aller le bout de charme. Il aurait ça, tu voudras. Tu voudras. Il peut être fièrement à l'éria avec tu voudras. Donc, comme aller à une petite cap, il ne va pas posséder, il ne va pas donner encore. Il vit une ou ta tête. Bon, mais quand il a son cas, il cante. Je ne sais pas comme ça. Je ne sais pas comment si fille a des fillettes là, l'eau. Si tu es premier sergent, me dit ça, lui. Il n'y a pas de combat à ça. Si tu es témoin Jéhovah, il n'y a pas de combat à ça. Ça vient de l'hyprenet. Oh, vieux avec fille. Bonjour dimanche. J'ai vu manger Kafia. J'ai vu bien manger. Non, bien manger. Et puis, on connaît des bonhommes qui mangent bien manger. Vont tout plein correctement. Ouais, l'autre bagaille pour faire. Pour qu'on finisse, comment c'est rentré. Au bécaille. C'est rentré. C'est un petit bout de chemisette. 16-16e sous lui. Il a un petit bout de jibon, 3-8e sous lui. Et puis il a couché sous le cabanon, il n'a pas les causés. Il n'a pas l'ancien qui a des bagailles longtemps, bagailles, il a les mêmes vignes, des bagailles ça. Par contre, ça vient de passer. Mamzelle font virer d'ol. Et puis Marcel fait ça le garder d'ash. Fia, son col de chéri, Fia. Chérie, si tu as une jupe transparente, j'aperçois des moustaches. Oui, soit attendez là. Cap Marcel prend vent, Marcel cap en l'air, cap il prend vent. Oui, oui. Non pour l'autre moment, nous avons des Marcel qui fait. Chérie, en alpha. En alpha. En alpha. Oui. Fia même des trois besoins bagaille là. Il a couché sous dos. Ouvert ses lit. Marcel même barrette. Oui. Zougap, chit, zougap, oui, oui. Mamie a dit garder non Marcel, Marcel, pas femme soit femme non, pas femme soit femme, pas permettre ou femme soit femme non. Descends nous carbone non. Habillé ou, m'a pas arrêté ou. Marcel dit oh, chérie, soit faire comme ça, soit faire comme ça. C'est Marie ou soit faire comme ça, c'est Marie ou soit faire comme ça. Madame Marcel dit détail. Faut arrêter ou descendre cabane habillé. Madame Marcel lève le point, le met sous lit. Il prend cartouche, elle passe dans René. Il prend fusil, il met dans Doni. Il dit Marcel devant. Ouais Marcel même pour diable, il va aller. Il va connaître qui ça tape tomber. Il prend un piège, il va connaître. Dernier venant caserne, non, commandant dit oh, madame Marcel, qui peut nous mener pas là? Oui, commandant, pas de monde qui t'a pour faire parler de Marcel. Pour ça, Marcel fait dans fontaine en place, moi, pour t'avoir bagaille là. Pas de monde qui t'a pour faire parler de Marcel. Comment, commandant, est-ce que j'aime connaître? Hein, mon bagaille, faut qu'on est bien. Civil pas, j'aime pour être prêt par chef. Ni civil pas, par chef prêt. Je vais vous déchouquer.